السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله j'essaierai d'intervenir dans les deux langues, en français et en arabe. Le sujet d'aujourd'hui, c'est une recommandation du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc je vais la lire en arabe. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا وقال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكيس حديث حسن رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله وصية عظيمة من رسول عظيم يبين لأمته من هو أفضل المؤمنين ومن هو أكيس المؤمنين يعني أعقل المؤمنين أمة الإسلام جاء الإسلام وهو الدين العظيم إلى البشرية يدعوها إلى مكارم الأخلاق يدعوها إلى كل خلق حسن إلى كل خلق حميد بعث النبي عليه الصلاة والسلام في الناس ليتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وضرب علينا صلوات الله وسلامه عليه مثلا أعلى في حسن الخلق ويكفيه شهادة الله فيه فالله عز وجل قال في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم عباد الله ورغب عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق فقال وبين لأمته أن حسن الخلق يجعلك من أكمل المؤمنين إيمانا قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وبين عليه الصلاة والسلام مرغبا أمته في حسن الخلق أنه يثقل الميزان يوم القيامة حسن الخلق يثقل الميزان يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق اسمعوا سبحان الله ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق وبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق سبب من أسباب دخول الجنة فسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة فقال عليه الصلاة والسلام تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله وحسن الخلق وقال عليه الصلاة والسلام كذلك حديث عجيب قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Donc cette recommandation magnifique du prophète عليه الصلاة والسلام, comme cela a été indiqué, sur les affiches traite ou plutôt parle de deux points. Le croyant le meilleur croyant et le croyant le plus intelligent ou le plus réfléchi. Un homme s'est présenté, nous raconte Ibn Omar radiallahu anhuma, un homme des Ansar, un des habitants de Médine, est venu trouver le prophète alayhi salatu wassalam pour lui poser deux questions. La première question, il lui dit, « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, quel est le meilleur des croyants ?» Quel est le meilleur des croyants ? Hein, ça, c'est une question qui nous intéresse tous, parce que notre objectif à nous tous, c'est de faire partie des meilleurs croyants. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu, « Celui qui a le meilleur comportement. » Le meilleur croyant, c'est celui qui a le meilleur comportement. Ensuite, cet homme, il posa une seconde question au prophète, alayhi salatu wassalam, « Quel est le croyant le plus intelligent, le plus réfléchi ?» Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de répondre, « Celui qui se rappelle, qui se remémore, qui se souvient le plus souvent de la mort et qui se prépare le mieux pour ce qui viendra après, après la vie d'ici-bas. Ceux-là sont les plus intelligents. » Ceux-là sont les plus intelligents. Donc dans cette recommandation, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre le chemin pour faire partie des meilleurs croyants et le chemin pour faire partie des croyants les plus intelligents, les plus réfléchis. Sachez mes frères que l'islam, il a accordé une importance toute particulière au bon comportement. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce sens, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements, que pour compléter les bons comportements. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas contenté de nous dire de bien nous comporter, mais il fut un exemple vivant de ce bon comportement. Et il suffit comme preuve de cela l'éloge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son prophète dans son livre sacré Al-Qur'an. Allah azza wa jalla dit ce qui signifie tu es certes doté d'un caractère exceptionnel. Le prophète alayhi salatu wassalam, mes frères et sœurs, sachez qu'il était doté d'un comportement hors norme, d'un comportement exceptionnel. Et il est notre exemple en cela. Il est notre exemple dans ce bon comportement. Notre objectif, c'est de l'imiter pour se rapprocher de ces caractéristiques exceptionnelles que le prophète alayhi salatu wassalam avait. Et le prophète, à maintes reprises, il y a énormément de hadiths qui incitent le musulman, le croyant, à adopter ce bon comportement. Notamment un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Le croyant a la foi la plus complète, qui a la foi la plus parfaite, est celui qui a le meilleur comportement. Hein, » Le croyant qui a la foi la plus complète, la plus parfaite, est celui qui a le meilleur comportement. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam a clairement démontré que le bon comportement, c'est une des choses qui va alourdir le plus ta balance le jour de la résurrection. Nous aujourd'hui, on a tendance à minimiser le bon comportement. Hein? On a tendance à minimiser le bon comportement, à ne pas lui donner l'importance et la place qu'il a dans l'islam. Écoutez ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Il n'y a pas une chose plus lourde sur la balance que le bon comportement. » Il n'y a pas une chose plus lourde sur la balance que le bon comportement. Nous, ce bon comportement qu'on a tendance à délaisser, parce qu'on pense que cela ne va pas de pair avec une bonne pratique de l'islam. On pense que si on fait la prière, on fait siyam, on lit le Coran, que cela est suffisant. Si vraiment tu fais partie des gens qui tirent profit de leur prière, de leur siyam, de leur lecture du Coran, des gens qui ont modifié, qui ont éduqué leur âme, alors forcément, tu dois avoir un bon comportement. Si tu n'as pas un bon comportement, cela veut dire que dans ta pratique de l'islam, il y a un problème. Parce que ça va te perdre. Hein? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons, radiyallahu anhum, ils allaient sur ces deux voies, la pratique religieuse associée à un bon comportement. Mais celui qui prétend se consacrer qu'à la pratique et qui a un mauvais comportement, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que dans ta pratique, il y a un problème. Sachez également que le bon comportement, c'est une cause d'entrée au paradis. Le jour dernier, beaucoup de gens ils vont aller au paradis par la cause de leur bon comportement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'interrogea, on le questionna à propos des choses qui feront rentrer le plus de gens au paradis. et il a dit deux choses, la crainte d'Allah, la piété, at-taqwa, la crainte d'Allah et le bon comportement. Nous, on est à une époque, mes frères, où même fil ibadat, même dans les adorations, on est faible. Si on se compare aux anciens, nos adorations, elles sont ridicules. Hein, si on voit un peu les pieux prédécesseurs, comment ils étaient durant le Ramadan, on voit que certains, ils terminent le Coran tous les trois jours, d'autres, certains, toutes les nuits, hein, qu'ils passaient leur journée à jeûner, les nuits à prier, qu'ils faisaient l'aumône. Nous, où est-ce qu'on est par rapport à ces gens-là? On est loin. On est loin dans notre pratique par rapport à ces gens-là, vu le grand mérite qu'ils ont atteint, les hauts rangs qu'ils ont atteints. Alors si en plus on n'a même pas un bon comportement pour nous sauver, pour nous aider, qu'est-ce qu'on va présenter le jour dernier? Qu'est-ce qu'on va présenter comme œuvre pour sauver notre peau de l'enfer? Si on ne peut même pas avoir ce bon comportement. Hein, le bon comportement, c'est quelque chose de très important. Hein, quelque chose que le musulman, il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts pour acquérir ce bon comportement. كيف يصل أحدنا إلى هذه الدرجة من الخلق الحسن؟ أولا عليه أن يلتجئ إلى الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى بالليل والنهار أن يحسن خلقه. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله ودعائه اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. وهو النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يدعو الله عز وجل كان يكثر كما قالت عائشة رضي الله عنها ها؟ فنحن في رمضان فلا يخفى عليكم أن في رمضان الدعاء مستجاب في ليلة القدر فعليكم وعلينا جميعا أن نكثر من دعاء اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. ثانيا علينا أن نتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام فقد ضرب مثلا أعلى في حسن الخلق والله عز وجل أمرنا أن نتأسى به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا علينا أن نتخلق بما جاء في القرآن فرسولنا عليه الصلاة والسلام تخلق بما جاء بما أمره الله في القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. رابعا علينا بمصاحبة الصالحين وبمجالسة الأخيار فالمرء على دين خليله. فالمرء على دين خليله. يقول عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. La question qu'on doit se poser maintenant, mes frères et sœurs, c'est comment faire pour avoir un bon comportement. Hein, on a compris l'importance et la valeur du bon comportement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour atteindre et avoir ce bon comportement? Premièrement, une des causes qu'il faut toujours mettre en œuvre lorsque l'on désire quelque chose ou lorsque l'on veut tendre vers un but, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, c'est le seul qui peut nous octroyer et nous donner ce que l'on demande. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, retourne-toi vers Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah azza wa jal, ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de toutes choses. Allah, c'est le généreux. Allah, c'est le miséricordieux. Si tu veux quelque chose, la première chose à faire à chaque fois, c'est de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez vous rendre compte que le prophète alayhi salatu wa salam, malgré son rang, malgré sa place auprès d'Allah, bien qu'Allah ait fait son éloge dans son livre quant à son comportement et son caractère, malgré tout, comme nous dit Aisha radiallahu anha, il avait l'habitude de répéter souvent cette invocation « Allahumma kama hassan khalqi hassin » Khuluqi, ô Allah, ô mon Seigneur, de la même façon que tu as embelli ma création, embellis mon comportement. Dès le prophète, malgré son rang, il invoquait Allah Azza wa Jal régulièrement. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans un mois béni, un mois où les invocations sont exaucées, un mois qui contient une nuit, meilleure que 1000 mois. C'est l'occasion ou jamais, mes frères, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre comportement, de lui demander de nous aider à avoir un meilleur comportement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'imiter le prophète, alayhi salatu wassalam, de l'imiter dans son comportement et de s'interroger. Comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était avec son épouse? Comment il était avec ses enfants, avec ses filles? Comment il était avec les musulmans à la mosquée? Comment il était dans l'achat et la vente, dans le commerce, au marché? Comment il était avec les non-musulmans? Comment il était avec ses voisins? Lisez, subhanallah, lisez la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Lisez-la pour vous imprégner de son comportement, pour l'imiter, pour faire comme lui. Et vous serez surpris. Si je peux juste citer un petit exemple rapidement, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam avec son épouse. Un jour, alors qu'il était à table avec des invités, le prophète alayhi salatu wassalam, chez une de ses épouses, une autre épouse a ramené un plat. Et cette épouse chez qui se déroulait, radiyallahu anha, chez qui se déroulait le repas, lorsqu'elle a vu arriver ce plat d'une co-épouse, elle a été prise de jalousie. Lorsque le serviteur a voulu ramener le plat, elle l'a frappé sur la main. Elle l'a frappé sur la main et le plat est tombé et s'est renversé. Devant les invités, imaginez-vous cette scène, vous êtes chez vous pour l'iftar, vous avez vos invités chez vous, hein, et on vous ramène un plat et ta femme elle tape sur la main de ton fils par exemple, parce qu'on n'a pas de serviteur à notre époque, et le plat il se renverse devant les invités. Qu'est-ce que l'un d'entre vous ferait? Qu'est-ce que chacun d'entre nous ferait? Et s'il demande au frère, qu'est-ce qu'on va lui conseiller? On va dire, a'oudou billah, cette femme-là, c'est le divorce. Tout de suite, prends ton sac chez ton père. Hein? Peut-être même que certains vont la frapper. Il va dire, comment elle a osé me ridiculiser devant mes amis, devant mes invités? C'est vrai ou c'est pas vrai? On réagirait pas comme ça? Avec beaucoup de colère, peut-être même des insultes, ou Allahu a'lam ce qu'on serait capable de faire. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, alayhi salatu wassalam? Il a ramassé la nourriture qui était par terre. Il l'a récupérée pour ne pas la gaspiller. Et il a dit à ses invités, votre mère, parce que les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, sont ummahat al-mu'minin, les mères des croyants. Il a dit, votre mère a été jalouse. Et c'est tout, il s'est contenté de ça. Il s'est contenté d'expliquer son geste en disant que son épouse a eu un sentiment de jalousie qui est un sentiment naturel chez l'être humain. Et il a ramassé le plat et il n'a rien dit, alayhi salatu wassalam. Voilà le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, avec ses épouses. Il est connu aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, participait aux tâches ménagères. Regardez le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, avec ses voisins, avec son voisin juif, qu'il allait visiter, prendre de ses nouvelles et qui s'est converti alors qu'il était sur le lit de, alors qu'il était en train de mourir. Regardez, méditez ces comportements-là. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est pareil? Est-ce que nous, on se comporte de la même façon que le prophète, alayhi salatu wassalam? Ou tous ces hadiths où des hommes rentrent à la mosquée et prennent le prophète au point de le tirer par son vêtement, au point où il y a une marque rouge sur son cou, au point où des sahabas sont tellement en colère de voir cette attitude qui manque de irrespectueuse envers le prophète, alayhi salatu wassalam, au point où certains ont dégainé leur sabre et le prophète de leur répondre, de leur dire à ses compagnons, ce n'est pas cela que l'on attend de toi. Hein? Regardez cette attitude où le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais refusé de donner de l'aide à quelqu'un, jamais il n'a dit non quand on lui a demandé quelque chose. Est-ce que nous, on est comme ce prophète? Ou est-ce qu'on est loin de ce prophète, alayhi salatu wassalam? Wallah, si on était comme le prophète, alayhi salatu wassalam, ou si on faisait les efforts pour l'imiter, wallah, les gens, ils rentreraient en masse dans la religion d'Allah. Il était doux, miséricordieux. Regardez cet homme qui a uriné à la mosquée. Imaginez-vous un homme qui aujourd'hui rentre et fait pipi là-bas dans le coin. Wallah, il sort même pas vivant de cette mosquée. Tout le monde l'attrape, tout le monde lui met des coups de pied. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam? Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Pour pas qu'il se lève et que tout le monde voit ses parties intimes. Parce que le fait d'interrompre l'urine aussi quelque chose qui cause du tort au corps, à la santé de la personne. Et lui a expliqué que les mosquées, elles ne sont pas faites pour cela. Elles ont été faites, instituées pour le rappel d'Allah. Alors que des gens avaient déjà sorti leur sabre, prêts à lui trancher la tête. Regardez le comportement. Qu'est-ce qu'il a dit cet homme? Il a dit, jamais je n'ai vu quelqu'un qui m'a enseigné de cette façon. Elle dit, oh Allah, fais miséricorde à moi et à Mohammed et à personne d'autre en dehors de nous deux. Hein, et le prophète, alayhi salatu wassalam, elle a dit, tu as rendu quelque chose de large, de vaste, la miséricorde d'Allah, tu l'as rétréci. Regardez le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. On en est où, nous, dans l'imitation du prophète, alayhi salatu wassalam? On en est où dans cette imitation? Il faut se poser les bonnes questions. Et ce mois de Ramadan, c'est l'occasion. En quoi est-ce que moi je ressemble à mon prophète, alayhi salatu wassalam? Dans quoi est-ce que je l'imite? Est-ce qu'aujourd'hui, on connaît la vie de notre prophète? Est-ce qu'on lit, alayhi salatu wassalam, sa biographie pour s'imprégner de son comportement? Aujourd'hui, tu parles d'un joueur de foot, les gens ils connaissent tout de lui, subhanallah. Sa date de naissance, son poids, sa taille, même les prénoms de ses enfants. Et tu parles du prophète, alayhi salatu wassalam, faites juste l'expérience. Je vous pose la question, je ne te demande pas de réponse. Chacun, il s'interroge soi-même. Si on vous demande juste le nom des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, qui les connaît? Si on vous demande juste les 10 mubashirin fil jannah, les 10 qui ont reçu l'assurance d'aller au paradis avant leur mort, qui connaît les noms de ces sahabas? Demande-leur qui a gagné la coupe du monde en 98 et te sort les 11 titulaires du gardien jusqu'à l'avant-centre, sans oublier un seul. Les 11, il les connaît. Mais les 10 qui vont faire le jannah, on ne les connaît pas. Ça, c'est notre héritage, mes frères. C'est notre héritage à nous, les musulmans. La première chose, ce qui va nous aider à atteindre ce bon comportement, de demander à Allah Azza wa Jal, de l'invoquer. Deuxièmement, imiter le prophète, alayhi salatu wassalam. Troisièmement, imiter, ou plutôt suivre ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, son comportement, c'était le Coran. Lorsqu'on interroge à Aïcha, radiallahu anha, sa femme, comment est-ce qu'il était le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, elle a dit, son comportement, c'était le Coran. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal lui ordonnait, il le mettait en application. Dès qu'Allah lui interdisait quelque chose, il s'en écartait. Celui qui s'imprègne du Coran, et Ramadan, shahrul Coran, le Ramadan, c'est le mois du Coran. Celui, lorsque vous entendez les versets récités par l'imam, si vous méditez sur ce qu'Allah vous ordonne, si vous faites ce qu'Allah vous ordonne, et vous vous écartez de ce qu'Allah vous interdit, alors vous aurez un bon comportement, le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a combien de versets qui nous disent « Inna hadha al-Qur'an » Certes, ce Coran guide vers une voie, vers la voie la plus droite. Le Coran, il guide la personne vers la voie la plus droite. Enfin, quatrièmement, avoir de bonnes fréquentations. Et ça, c'est un point qui concerne tout particulièrement la jeunesse musulmane. Le fait d'avoir, de bien choisir ses amis, de bien choisir ses compagnons. Parce que l'on peut être influencé dans le bien comme dans le mal. Si on traîne avec des gens qui sont mauvais, alors on risque d'être imprégné par ces fréquentations. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a mis en garde contre cela. Et il a dit, l'homme, il suit la religion de son meilleur ami. Que chacun d'entre vous regarde donc qui est son meilleur ami. Si toi, tu es toujours avec quelqu'un qui ne fait pas la prière, qui ne parle jamais d'Allah, alors tu vas être comme lui. Tu vas parler des choses de la vie d'ici-bas, des futilités, et jamais tu ne feras mention d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si par contre, tu es avec quelqu'un qui est toujours en train de te parler d'Allah, qui est toujours en train de te rappeler la prière, te rappeler de faire des bonnes œuvres, alors tu vas être influencé par cela. Ibad Allah. Man afdalul mu'minin yaqulu alayhi salatu wassalam ahsanuhum khuluqa. Thumma yas'alu as-sahabiyul jalil ya rasul Allah man akyasun nas. Fayaqulu alayhi salatu wassalam aktharuhum lil maut dhikra. Ar-rasul alayhi salatu wassalam yukhbiruna أن العاقل هو الذي يكثر من ذكر الموت أتدرون لما يا عباد الله لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت قل عنده الكثير وكثر عنده القليل وهانت عليه الدنيا واستعد للموت وما بعد الموت وهذا والله هو عين العقل لأن العاقل هو الذي يعلم أنه من هذه الدنيا راحل وإلى الله راجع وأمام الله موقوف وعن كل صغيرة وكبيرة مسؤول فيستعد للموت وما بعد الموت والمجنون هو الذي نسي الموت وانشغل بالدنيا وبجمع المال من حله وغير حله حتى نزل عليه الموت فقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يقال له؟ يقال له كلا أبدا مستحيل لا ترجع إلى الدنيا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالإكثار من ذكر الموت ويذكر أمامنا الموت، يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته، فقيل له يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي، لماذا؟ فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجى من القبر فما بعده أشد منه. ثم قال عثمان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. والله عز وجل في كتابه يحذرنا من التفريط قبل الندم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Le prophète عليه الصلاة والسلام il répond à la seconde question de ce sahabi qui est quel est le croyant le plus réfléchi, le plus intelligent. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond, c'est celui qui se rappelle le plus souvent de la mort, celui qui pense tout le temps à la mort, qui chaque jour se dit, peut-être que mon tour il va arriver aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on va dire, subhanallah, tel frère il est mort. Et forcément un jour ça va arriver, un jour où tu vas te lever peut-être le matin, faire sobh, et tu ne te lèveras pas le matin d'après. Un jour où tu passes la soirée en famille, et le soir d'après tu seras sous terre. Ça va arriver mon frère, c'est une certitude. Alors celui qui se rappelle le plus souvent cette réalité inéluctable, c'est celui qui est le plus intelligent. C'est la chose dont on est sûr, tout être humain mourra, même les mécréants ils le savent. Pourtant ils vivent comme si cela n'existait pas. La véritable intelligence, c'est la personne qui sait qu'il va quitter ce bas monde et qu'il va voyager vers Allah, qu'il va rendre des comptes sur chaque action qu'il a fait, petite ou grande, qui sera jugé devant son Seigneur. Ça, c'est la véritable intelligence. Quant au fou, à l'insensé, c'est celui qui vit sans faire attention à la mort, comme s'il était éternel sur cette terre, et qui se contente d'amasser les fortunes, pour qui le seul objectif, c'est la vie d'ici-bas. Et wallahi, beaucoup on est dans ce cas-là. Illa man rahima rabbi. Beaucoup de gens, même des musulmans, même qui font la prière, leur préoccupation c'est toujours la dunya. Comment je vais faire pour de l'argent? C'est ça, toute la journée ils pensent qu'à ça. L'argent, les voitures, le luxe, les vêtements, les voyages, les femmes, la gloire, la reconnaissance. Les gens ils courent après cela. Et depuis leur plus jeune âge on leur inculque cela. Ton objectif c'est d'être médecin. Et depuis le plus jeune âge on lui répète que ça, que ça, que ça. C'est pas un mal d'être médecin, pas ça qu'on est en train de dire. En train de dire que celui qui a fait de la vie d'ici-bas, qui a pour seul objectif dans la vie d'ici-bas, de réussir socialement parlant. Celui-là, il a oublié la vie de l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal, il nous parle de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire le jour où ils vont mourir, ces gens-là? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qu'il signifie. En citant ces gens-là, « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que j'accomplisse le bien dans ce que je délaissais. » Et on lui répondra « Non. » Non, on ne te laisse pas revenir. Une fois que l'ange de la mort prend ton âme, c'est fini. Tu ne peux pas revenir sur terre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a incité à nous rappeler souvent la mort. Et il a dit dans un hadith, alayhi salatu wassalam, pensez beaucoup, et il lui a donné un surnom à la mort, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, remémorez-vous souvent, pensez régulièrement, fréquemment, à la destructrice des plaisirs, la mort. La mort, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a appelée la destructrice des plaisirs. Parce que lorsque l'on pense à la mort, on n'a plus goût à rien. On se contente du peu que l'on a. Même si tu es pauvre, on te parle de la mort, tu dis alhamdoulilah, il y en a qui sont encore pires que moi. Tu te contentes de ce que tu as. Alors que lorsque tu ne penses pas à la mort, tu es assoiffé, tu veux toujours plus, tu n'es jamais rassasié. Tu dis, ya Allah, wallah, et juste si j'avais 5000 euros sur mon compte, wallah, juste si je change ma voiture, je serais le plus heureux des hommes. Et tu changes ta voiture, et après avec le temps, tu commences à voir cette voiture comme si c'était une voiture horrible. Tu te dis, subhanallah, elle est moche cette voiture, j'ai envie d'encore d'une mieux. Alors qu'avant, tu faisais dua pour l'avoir. Lorsque tu as 10 000 euros, quand tu as 500 euros à la fin du mois ou là 200 euros sur ton compte, tu te dis, ah, si je pouvais avoir, comme tel frère, 5 000 euros sur mon compte à la fin du mois, wallah, je serais heureux, je serais murtah, je serais concentré sur l'ibadat, j'aurais plus besoin de penser à l'argent. Et quand on te donne 10 000 euros, tu te dis, subhanallah, l'okhara al-akhi, il a 100 000 euros, pourquoi n'a-t-il que 5 000, moi ? Qu'est-ce que je vais faire avec 5 000 ? Hein ? On veut toujours plus. Jamais on se contente de ce que l'on a. Pensez beaucoup à la destructrice des plaisirs, la mort. Uthman ibn Affan, un des califes bien guidés, lorsqu'il se trouvait près d'une tombe, la tombe d'un homme, il avait l'habitude de pleurer. Et on dit, ya Uthman, lorsque l'on parle de l'enfer et du paradis, tu ne pleures pas. Mais lorsque l'on parle de la tombe, tu pleures, au point où ta barbe elle est trempée. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que tu es dans cette situation, dans cet état d'esprit? Et il leur a répondu, Uthman, radiyallahu anhu, la tombe, c'est la première demeure de l'au-delà. Si la personne est sauvée de la tombe, alors il ne rencontrera après cela que des choses encore plus faciles. Mais s'il n'est pas sauvé de la tombe, c'est-à-dire s'il est châtié, alors ce qu'il rencontrera après cela sera encore plus difficile. La tombe, c'est la première étape. Si c'est facile, c'est un signe que tout le reste va être facile. Si la tombe, c'est difficile, alors il faut s'attendre à des choses encore plus graves et encore plus compliquées et plus difficiles. Et il a dit, j'ai entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire, je n'ai jamais rien vu d'aussi atroce, d'aussi effroyable que la tombe. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit ça. Je n'ai jamais rien vu d'aussi atroce, d'aussi effroyable que la tombe. Nous, Allah Azza wa Jal, par miséricorde, il ne nous a pas montré les châtiments de la tombe. Mais wallahi, même les animaux, ils entendent les cris de la personne qui est châtiée dans sa tombe. Nous, Allah Azza wa Jal, il nous a préservés de ne pas entendre ces cris. Sinon, on mourrait par peur, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, il y a de nombreux et de nombreux versets qui parlent dans le Coran de la mort. Notamment, les versets qui rappellent à l'être humain de profiter de la vie présente. Profite de l'instant présent avant la mort, avant que tu n'aies des regrets. Profitez, comme nous aujourd'hui, profitons de ce Ramadan. Profitons de ce Ramadan avant qu'il ne passe. Et peut-être ce sera notre dernier Ramadan. Profitons du moment présent pour se rapprocher d'Allah, avant que l'on ait des regrets. Parce que l'être humain, il a souvent des regrets. Lorsqu'il pense au passé, souvent l'être humain, il dit, pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû faire ça. Fais les bons choix, tout de suite. Fais les bons choix. Profite de ce Ramadan pour te rapprocher d'Allah. Profite avant qu'il ne soit trop tard. Allah Azza wa Jalil nous cite cela dans de nombreux versets du Coran, notamment un verset qui signifie « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là sont les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'ils disent « Ô Allah, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Hein, ces gens-là, ils vont dire, oh Allah, laisse-moi juste un peu de temps pour faire sadaqa. Parce que la personne, elle va mourir, elle va dire, oh Allah, laisse-moi juste le temps, mes 100 000 euros dans mon compte que je ne voulais jamais donner. Quand on venait me demander de prêter de l'argent, je disais, non, j'ai pas. Quand on demandait pour les masajids, je donnais juste 1 euro ou 2 euros. Ces 100 000 euros, là, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va dire, ya Allah, laisse-moi, je les donne en sadaqa tout de suite. Les 100 000 euros, je ne laisse rien à personne. Pourquoi? Parce que là, il a vu la valeur de l'argent. Là, il a vu la valeur de sadaqa. Alors là, il veut faire sadaqa. Là, il veut être parmi les gens de bien. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, là, non. Allah, il n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Lorsque ton terme est arrivé, on ne t'accordera pas de délai. Alors il faut profiter maintenant pour faire l'aumône, pour être généreux. C'est maintenant qu'il faut profiter. Parce que après la mort, ce sera trop tard. Et Allah Azza wa Jalla finit les versets en disant ce qui signifie. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah, il sait très bien ce que nous faisons. Et ce n'est pas parce qu'Allah, il te laisse être avare, pour reprendre l'exemple de l'aumône, que tu crois qu'il ne t'arrivera rien ou que tu peux faire ce que tu veux. Non, Allah, il est parfaitement connaisseur de ce que tu fais. Et il te jugera pour cela. الموت عباد الله حق لا مرية فيه فاستيقظ من نومك قبل فوات الأوان فالله عز وجل أخبرك به في كتابه فقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار إياك إياك أن تظن أنك تفر من الموت إياك إياك أن تظن أنك تهرب من الموت بمالك أو بجاهك أو بسلطانك أو بصحتك فالله عز وجل يخبرك فيقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ويقول تعالى وقال الله عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت يأتي بغتة في وقت لا يخطر لك على بال قال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فتجهز وتزود واستعد فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن غناك لفقرك وغض نفسك من أصحاب القبور فالموت يأتي بغتة. La mort, mes frères, est une réalité. Nul doute à ce sujet. Alors réveille-toi. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie dans son livre. Toute âme goûtera à la mort. Mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Gare à toi de penser que tu peux échapper à la mort. Prends garde de penser que tu peux fuir la mort grâce à ton argent, ta santé, ton rang social, etc. etc. Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Les gens, ils fuient la mort, mais la mort, elle va vous rencontrer. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Il est dit également dans le Coran, où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des tours imprenables. Même si tu te caches au fin fond d'une grotte, au fin fond d'une forêt, la mort elle viendra te chercher. La mort elle viendra à toi. Tu ne peux pas te cacher et tu ne peux pas fuir cette mort. Aujourd'hui les gens ils font tout, prendre des médicaments pour vivre plus longtemps en espérant qu'on va mettre un jour en place pour devenir éternel. Non, la mort elle te touchera. Même si tu es riche, même si tu es un président, même si tu es un prophète, même l'Anbiya, les meilleurs des créatures, ils ont goûté à la mort. Même Isa alayhi salam, qui est monté au ciel, qu'Allah élevé au ciel, il devra revenir sur terre pour mourir, comme tous les êtres humains. Ça, c'est une réalité. La mort, elle vient par surprise, sans prévenir. On ne va pas t'envoyer un courrier pour te dire dans 20 jours tu vas mourir. La mort, elle vient par surprise, sans prévenir. Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. Tu ne peux pas l'avancer ni le retarder. Il y a des gens, ils veulent mourir et ils font tout pour se suicider, ils n'y arrivent même pas. Si ton heure, il n'est pas arrivé, tu ne mourras pas. Et il y a des gens qui font tout pour vivre et ils meurent, même si tu as 20 ans. Il n'y a pas d'âge pour la mort. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur. Regarde pas ton argent, ta richesse, tu es le fils de qui ? Mais tu vas mourir comme tout le monde, sans prévenir. Il faut méditer ces signes-là. Regardez juste le ramadan dernier et cette année. Combien de gens étaient avec nous le ramadan dernier et aujourd'hui ils ne sont plus parmi nous. Combien de gens chez vos proches sûrement, peut-être vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis, nos co-religionnaires qui prient avec nous, combien étaient là avec nous le ramadan dernier et cette année ils ne sont plus là. Et toi aussi ton tour il va arriver un jour. Toi aussi un jour on va dire, Subhanallah, il était avec nous hier. Subhanallah, il a fait salat al-isha avec nous. Aujourd'hui, il n'est plus là. Oui, toi aussi, ça va t'arriver. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé, comme le dit le verset coranique. Et Allah, un autre verset nous rappelle également, et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Alors, puisque l'on sait tout ça, mes frères, il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. Lorsque tu es au matin, comme disait Ibn Omar, radiyallahu anhuma, n'attends pas le soir. Quand tu te lèves le matin et tu fais ta prière, dis-toi, mets-toi ça dans ta tête. Ça va t'aider déjà à te concentrer dans ta prière. Dis-toi, ce soir, peut-être je serai décédé. Et lorsque tu es au soir, n'espère pas attendre le lendemain. Et profite de ta santé avant ta maladie. Toi qui es jeune en bonne santé, profite de cette santé avant qu'il arrive un jour où peut-être tu seras assis, tu pourras prier que assis, peut-être tu ne pourras plus faire siyam. Profite de ce moment-là. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite du moment où tu as de l'argent pour faire sadaqa avant que n'arrive le jour où tu n'auras plus cet argent et ces disponibilités. Ibad Allah, sakaratul mawti la ya'lamuha illallah. Wa qala azza wa jal, وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تهرب ولكن أين المفر والإله الطالب أين تهرب أين تفر سكرات الموت لا يعلمها إلا الله هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم في مرض موته يأخذ الماء الباردة ويمسح على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وهذا صحابي جليل وهو في سكرات الموت يصف حاله لولده فيقول يا بني والله لكأن السماوات قد انطبقت على الأرض على صدري تأملوا سبحان الله والله لكأن السماوات قد انطبقت على الأرض على صدري يا بني لكأني أتنفس من ثقب إبرة من ثقب إبرة أتنفس من ثقب إبرة يا بني والله كأن غصنا من الشوك يؤخذ من قدمي إلى هامتي انظروا سبحان الله سكرات الموت عجيب عظيم شدة تنزل بك يا عبد الله وأنت في سكرات الموت واعلم يا ابن آدم أنه إذا نزل بك الموت وبلغت الروح الحلقوم فأنت أحد الرجلين إما أن تبشر بجنة عرضها السماوات والأرض وإما أن تبشر بنار حامية وحميم وزقوم نعوذ بالله من ذلك والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه وصور لنا مشهدا من مشاهد الاحتضار لتنظر يا ابن آدم مع أي الفريقين أنت عند سكرات الموت قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ يعني الأهل أيها الأهل وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ارجعوا هذه الروح يا ملوك الأرض يا معشر الوزراء يا معشر الوزراء يا معشر الأغنياء يا معشر الأقوياء ارجعوا هذه الروح ائتوا بكل ما تملكون من قوة لترجعوا هذه الروح إلى الجسد مرة ثانية فلولا إن كنت غير مدينين إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان La mort, mes frères, elle est précédée de ce que l'on appelle as-sakarat, c'est-à-dire l'agonie. Ce sont des douleurs, des affres qui précèdent la mort et qui sont plus dures que des coups d'épée. Et le Très-Haut, Azza wa Jal, a dit « L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'es écarté. » Il n'y a personne qui connaît la réalité et la gravité de ces affres, de cette agonie. Regardez l'exemple du prophète alayhi salatu wasalam. Alors qu'il était dans la maladie qui précéda sa mort, il trempa sa main alayhi salatu wasalam dans l'eau froide et il s'essuyait les tempes et disait La ilaha illallah, la mort comporte vraiment des affres. La mort, elle a vraiment des affres, des difficultés. La mort, elle a vraiment des douleurs intenses. Au point où on compare cela au sillage d'une scie. C'est comme si on te sciait en deux. Plus dur que des coups d'épée. Même le prophète alayhi salatu wasalam disait La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La mort a des affres, des difficultés, des douleurs. Et un autre compagnon du prophète alayhi salatu wasalam, il raconta à son fils alors qu'il avait repris connaissance. Parce que généralement, lorsque l'agonie vient, on perd connaissance, on revient à la raison, puis on décède. Et ce compagnon, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, il a raconté à son fils, lorsqu'il a repris connaissance, son fils lui a dit, « Ya Abi, oh mon père, explique-moi, qu'est-ce que tu ressens ? Comment elle est cette agonie ?» Et lui a dit, « Wallahi, je jure par Allah, mon fils, c'est comme si les cieux, ils recouvraient ma poitrine. Comme si le ciel, les cieux, les sept cieux, ils étaient aplatis contre ma poitrine. Wallahi, c'est comme si je respire à travers l'orifice d'une aiguille. Tellement il est dur pour lui, difficile de respirer c'est comme s'il respirait à travers le trou d'une aiguille. Vous voyez le petit trou là, le chat d'une aiguille, là où on rentre le fil, ce tout petit trou. C'est comme s'il respirait à travers cet orifice. Tellement c'est difficile, tellement c'est un moment dur. Et il dit, ô mon fils, c'est comme si une branche d'épine tirait mes pieds pour les ramener au sommet de ma tête. C'est comme si avec une branche d'épine, avec des épines, on avait tiré mes pieds et on les avait ramenés au sommet de ma tête. Pourtant, Hadou, c'est les sahaba. Ces gens-là, c'est les sahaba, radiyallahu anhum. Ils ont consacré leur vie à l'islam. Et regardez les difficultés, les douleurs. Lorsque la personne décède, une terrible souffrance s'abat sur la personne. Et sache qu'au moment de mourir, lorsque l'âme atteint la gorge, alors tu seras dans une des deux situations. Soit tu recevras l'annonce d'un paradis large comme les cieux et la terre, et ou bien on t'annoncera un feu brûlant, une eau bouillante et l'arbre de l'enfer, Az-Zaqqum. Allah Azza wa Jal, il nous a décrit une de ces scènes, Al-Ihtidar, le moment de l'agonie. Allah dans le Coran, il nous a décrit comme si c'est un spectacle qui s'offrait à nos yeux. Comment est-ce que la personne agonise et quitte la vie d'ici-bas? Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un mourant, c'est-à-dire l'âme, lorsque l'âme elle s'apprête à quitter le corps du mourant. Et qu'à ce moment-là, vous regardez, c'est-à-dire vous, la famille, ses amis, ses proches, lorsque vous le regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Les anges, ils sont là à proximité, prêts à recueillir son âme, mais les présents ne les voient pas, ils ne voient pas ces anges. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Allah, il lance un défi. Oh, vous les riches, les rois de la terre, les ministres, les gens les plus riches, les gens les plus puissants de cette terre, puisque vous pensez que vous n'avez pas de compte à rendre, pourquoi vous ne faites pas revenir cette âme dans le corps? Pourquoi ne faites-vous pas revenir cette âme une seconde fois? Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir si vous êtes véridique? Et là, il y a les deux catégories. S'il est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens, et il sera accueilli par ces mots, paix à toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très Grand. إذا كنت ممن آمن إيمانا صادقا واستقام على إيمانه حتى الموت فأبشر وأنت في فراش الموت تتنزل عليك الملائكة من السماء قبل صعود الروح وتبشرك ببشارات ثلاث قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند طلوع الروح تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أي مما تذهبون إليه من أهوال القبور ويوم القيامة لا تخافوا على أهوال القبور ويوم القيامة ولا تحزنوا لا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم من الأموال والزوجات والأولاد لا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تعرف هذا يا ابن آدم قبل طلوع الروح وتبشر به ينزل ملك الموت ومعه الملائكة ويجلس عند رأسك أيها المؤمن التقي ويقول ملك الموت كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أيتها النفس المطمئنة أيتها النفس الطيبة فتخرج روحك كما تخرج القطرة من في سقاء فإذا خرجت الروح الطيبة أخذتها الملائكة فصلى عليها كل ملك بين السماء والأرض وصلى عليها كل ملك في السماء وكلما مروا على ملك أو على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة قالوا هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائك التي كنت تدعى بها في الأرض وتفتح لك أبواب السماء فإذا بلغوا إلى السماء السابعة يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Si tu fais partie de ceux qui ont cru de façon véridique et qui se sont maintenus sur cette foi jusqu'à la mort, alors réjouis-toi. Réjouis-toi alors que tu es sur ton lit de mort. Des anges du ciel descendront vers toi avant le voyage de l'âme et ils vont t'annoncer trois bonnes nouvelles. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. C'est pas juste ils disent et puis ils font rien. Non, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se maintiennent sur le droit chemin. Les anges descendent sur eux. Les anges, au moment où l'âme sortira, ils viennent vers cette personne et ils vont lui annoncer trois bonnes nouvelles. La première nouvelle, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour ce que tu vas rencontrer comme angoisse dans la tombe et au jour dernier. Les anges, ils vont venir te rassurer. Toi, le croyant, le pieux, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui va arriver dans le futur, dans ta tombe et au jour dernier. Sois rassuré. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, et ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes. Ne sois pas triste d'avoir quitté ta femme, tes enfants, ne sois pas triste. Allah est là pour les surveiller et veiller sur eux. Tu n'as pas à avoir peur pour ce que tu as laissé comme femme et enfant et famille. Et la troisième bonne nouvelle, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Tout cela, le croyant, il recevra cette bonne nouvelle alors qu'il est en train de mourir, avant même que l'âme sorte de son corps. Et l'ange de la mort viendra à toi avec d'autres anges et il s'assiera à proximité de ta tête. Et il te dira, ô âme pure, sors et viens rejoindre un pardon et un agrément de la part d'Allah. L'âme alors, elle va s'écouler et elle va sortir facilement, aisément, comme la goutte d'eau coule de l'outre. Comme la goutte d'eau, elle coule d'un récipient. L'ange de la mort, il prend cette âme. Et dès qu'il l'a prise, d'autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains un instant. Et ils la portent à leur tour et la posent dans un linceul du paradis et parfument cette âme. Et alors, il y aura une odeur comparable à la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur terre. Les anges concernés, alors, ils montent avec cette âme. Et à chaque fois qu'ils passent à proximité d'un ange ou d'un groupe d'anges, ces anges disent, ils font la prière sur cette âme. Ils demandent à Allah de pardonner à cette âme. Et ils disent, à qui appartient cette âme pure? Et on lui dira, elle appartient à un tel fils d'un tel. Et on le nommera par ses plus beaux surnoms qu'il avait sur terre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel le plus proche. Et ils demanderont l'autorisation. Et on leur octroiera cette autorisation. Et cette âme montera avec les anges jusqu'au septième ciel. Et là, Allah Azza wa Jal dira, consignez le livre de mon serviteur dans le Illiyin. C'est le livre des bons serviteurs. Et Allah Azza wa Jal, il parle de Illiyin, fil Qur'an, et il nous dit ce qui signifie, c'est un livre cacheté. Les rapprochés d'Allah en témoignent. Et Allah Azza wa Jal dit, retournez avec cette âme vers la terre, parce que c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle que je les retourne, et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Ça, c'est pour ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, ceux qui ont une âme pure. Allahumma ja'alna minhum. أما الفاسق والظالم والمجرم والمتكبر والكافر إذا نام في فراش الموت وبلغت الروح الحلقوم نزلت عليه ملائكة من السماء يضربونه ويعذبونه عذابا أليما يعذبونه عذابا أليما على وجهه وعلى دبره قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيته تستكبرون. إذا كنت من هذا الصنف نزل ملك الموت وجلس عند رأسك إذا بلغت الروح الحلقوم يقول لك: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله، أخرجي إلى سخط الله، أخرجي إلى غضب الله، فتهرب روحك في جسدك فينتزعها ملك الموت فتتقطع معها العروق والأعصاب، معها العروق والأعصاب، فإذا صعد بها لعنتها الملائكة بين السماء والأرض ولعنها كل ملك في السماء، وإذا وصلوا إلى السماء لا تفتح لهم أبواب السماء فتطرح روحه طرحا من أعلى، ويقول الله عز وجل: أكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. فيا ابن آدم اختر لنفسك: أتحب أن تبشر عند الموت بجنة عرضها السماوات والأرض أم تحب أن تبشر بنار حامية؟ كلنا أيقن بالموت وعلم أنه سيموت، ولكن القليل منا هو الذي يستعد لهذا الموت. كلنا يعلم أنه سيموت، والكافر يعلم أنه سيموت، ولكن من الذي يعمل لهذا الموت؟ من الذي يستعد لهذا الموت؟ فإذا أردت أن تخرج من هذه الدنيا على أحسن حال، وأن تسارع إلى طاعة الله، وأن تبتعد عن معصية الله، فعليك بالإكثار من ذكر الموت، فعليك وعلينا جميعا بالإكثار من ذكر الموت. Quant au pervers, à l'injuste, au criminel, à l'orgueilleux, au mécréant, au moment de la mort, quand l'âme elle atteindra la gorge, des anges au visage noirci descendent du ciel vers lui. Et ils le frapperont et lui affligeront un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jal cite cela dans le Coran. Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant: goûtez au châtiment du feu, c'est le châtiment pour ce que vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Et Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains en disant: laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et on trouve même des indications supplémentaires dans des hadiths présents dans Sunan Abi Daoud rahimahullah, en disant que l'ange qui viendra frapper cet être humain, il est sourd et aveugle. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce que cet ange qui va venir, il est sourd et aveugle? Quelle est la sagesse de cela? Je vous interroge, je vous pose la question. À votre avis? Antala. Quelqu'un d'autre? Exactement, pour qu'il n'éprouve pas de pitié. Tellement il va le châtier. Regardez, subhanallah. Ça nous montre la gravité, la dureté de ce châtiment. Pour ne pas qu'ils éprouvent de la pitié en le voyant, Allah il envoie un ange sourd et aveugle. Pour que vous compreniez la gravité et la douleur immense de ce châtiment. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Allah il n'est pas injuste. S'il récompense, il est généreux, il donne plus que ce que tu mérites. Mais quand il te châtie à la proportion de ta désobéissance. C'est ce qu'ils ont mérité pour avoir menti sur Allah et pour s'être détourné orgueilleusement des signes d'Allah qui sont partout autour de nous pour celui qui réfléchit et qui raisonne. Alors l'ange de la mort, c'est la fin de notre intervention, l'ange de la mort, il viendra, il s'assiera auprès de la tête de cette personne et il dira « Ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement d'Allah ». Alors cette âme, elle va tout faire pour se cacher. L'âme, elle va aller se réfugier partout dans le corps, hein, à l'extrémité des doigts, dans des endroits les plus reculés pour que l'ange de la mort ne puisse pas prendre cette âme-là. Mais on va arracher cette âme comme on arrache une broche de la laine trempée. Hein, et lorsque cette âme, elle va se retirer, elle va littéralement éclater toutes les veines et tous les nerfs de la personne. En arrachant cette âme, cela va faire même des dégâts physiques à l'intérieur du corps de cette personne. Et vous vous imaginez bien la douleur que quelqu'un peut ressentir lorsqu'il a cette sensation que ses veines s'éclatent et que ses nerfs, ses muscles se déchirent, tellement cette âme, elle est retirée avec violence. Et cette âme, lorsqu'elle passera à proximité des anges, les anges, ils vont maudire cette âme. Ils vont demander la malédiction d'Allah sur cette âme-là. Et quand on demandera à qui appartient cette âme, on dira c'est un tel, et on va le nommer par des sobriquets, par des noms moqueurs, par lesquels les gens l'appelaient dans la vie d'ici-bas. Et il demandera la permission d'entrer au premier ciel, on refusera l'autorisation. On refusera de lui donner la permission d'entrer. Et son âme sera jetée du ciel vers la terre la plus basse. Et Allah Azza wa Jal dira, consignez son livre dans le Sijjin, dans la terre inférieure. Et le Sijjin, c'est le livre des libertins, le livre des pécheurs. Alors voilà en résumé les deux possibilités qui s'ouvrent à toi. Les deux chemins possibles. Alors à toi de choisir pour toi-même ce que tu veux, mon frère et ma sœur. À toi de choisir si tu veux que l'on t'annonce le paradis avant de mourir ou bien si tu veux être châtié comme cette âme de ce libertin. Car nous savons tous que nous allons mourir. Et même les mécréants savent qu'ils vont mourir. Mais combien sont ceux qui se préparent à cette mort? Tout le monde sait qu'on va mourir, je ne vous ai rien appris. Mais combien pensent à cette mort et se préparent à cette mort? Combien se sont préparés à l'éternité de l'au-delà? Soit au paradis, soit en enfer. Combien se préparent? Il faut profiter de ce mois de Ramadan. C'est une occasion unique qui nous est offerte pour se rapprocher d'Allah. Mettez-vous ce hadith en tête. Si vous devez sortir avec une seule parole, cette parole. Rappelez-vous souvent de la mort. Rappelez-vous souvent de la destructrice des plaisirs, comme a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Fa'akthiru min dhikri hadhim illadhat al-maut. Mettez ce hadith dans un coin de votre tête et rappelez-le régulièrement. Quand tu es dans la rue, tu vois une femme passer, tu sais que tu n'arrives pas à baisser le regard, dis-toi, rappelle-toi la mort. Et tu détournes ta tête, parce que tu sais que tu seras jugé. Quand ta main veut faire l'illicite, ou voler, ou prendre quelque chose qui n'a pas le droit, dis-toi, rappelez-vous souvent de la mort. Rappelle-toi, dis-toi que cette main, tu devras répondre de cet acte. Et si à chaque fois tu as la mort présente dans ta tête, même pour la prière, le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit, priez, comme si vous allez faire vos adieux, comme si c'est ta dernière prière, pour t'aider à te concentrer dans ta prière. Lorsque tu dis Allahu Akbar, lorsque tout à l'heure, si tu arrives jusqu'au Asr, et si j'y arrive jusqu'au Asr, lorsque tu dis Allahu Akbar après l'imam, dis-toi peut-être c'est ma dernière prière. C'est la dernière chose que je vais demander à Allah. Alors que je présente une prière avec de la concentration, avec de l'humilité, une prière où j'ai médité les versets d'Allah, où j'ai bien invoqué dans les soujouds et dans les recours. Profitez mes frères, parce que wallahi, chaque jour qu'Allah fait, chaque jour, c'est un pas que nous faisons vers notre tombe. Chaque nouveau jour, tu te rapproches de ta tombe. Et peut-être que la distance qui te reste pour arriver à cette tombe, elle est beaucoup plus courte que ce que tu penses. Alors préparons-nous pour la mort. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا